La question de l'État est une des plus délicates, puisque la question de l'État, la question de la démocratie, la question des institutions en général, détachée des enjeux subjectifs, devient une sorte de salade d'abstraction. Je crois qu'il faut revenir à des choses très simples. D'abord, en ce qui concerne la démocratie, c'est à se demander, quand j'entends les discours qui se répandent, si ce concept de démocratie est devenu une religion, si, ou si on parle toujours d'un régime politique. Bon, quand je vois avec quelle insouciance se répandent parfois des slogans ou des propos tels que le bulletin de vote est un chiffon de papier. Ce sont des propos que j'entendais enfant avant la guerre dans la bouche des fascistes. Maintenant, c'est devenu un thème sans doute très respectable puisque venant de l'extrême gauche, puisque personne ne sourcille. Je suis étonné que dans le même temps où on enseigne aux jeunes l'esprit civique, aucun journaliste spécialisé n'interroge l'extrême gauche sur ce qu'elle pense précisément de l'État et des institutions. Bien. Le mot « État » est un très vieux mot, un mot latin, qui a toujours, dans la tradition, été entouré d'un génitif, d'un complément de nom. On disait « État », c'est « État de quoi ?»« État de quelque chose ?»« État du royaume ?»« État de l'Église ?» État des ordres, noblesse, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'État ? Alors, un mot sur ce film, parce que le film oblige à cerner les questions au plus près. Miroir d'une nation, l'École nationale d'administration. Voilà. Le titre originaire de ce film, c'était « Mémorial d'une nation ». J'employais ce mot dans le sens des anciens traités de comptabilité qu'on appelait mémorial ou mémoire. Ce sont des documents dans lesquels on fait les comptes, les créances et les dettes. On fait le point d'une situation. Mais j'ai compris très vite que le mot mémorial évoquait dans l'esprit public le monument aux morts. Ce n'était pas mon objet. Et donc, j'ai repris, au fond, c'est un titre très adéquat, lui aussi, qui est « Miroir d'une nation, l'École nationale d'administration ». D'abord, une remarque sur ce film. Tous les films que je fais sont des films d'institution. Si vous voulez, mon ami Frédéric Weissmann, avec le grand documentariste, nous partageons d'avoir été l'un et l'autre professeur de droit. Vous avez fait tous deux des études de droit. Nous sommes chacun dans un certain sillon. Bon, nous avons peu à peu finalement créé un genre littéraire dans le documentaire, à l'intérieur du documentaire. Vous pourriez le qualifier comment, ce genre littéraire ? Un documentaire d'idées ? Comme je dis parfois, c'est la méthode du peintre cubiste qui prend son objet de face, de biais, de toutes sortes de, par des différents angles d'attaque, qui fait que le produit semble tout à fait intriguant. Enfin, je m'expliquerai plus tard, un jour, sur mes méthodes de travail, sur cette manière de concevoir un film d'institution. En tout cas, ça sera une trilogie, en fait. En tout cas, oui, ce sera une trilogie, puisqu'il y a la fabrique de... Nous avons démarré avec la notion d'Occident, puis nous en sommes venus à la France pour poursuivre par la mondialisation. Et alors, nous sommes dans le cas français. Alors, le cas français, pourquoi l'ENA ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, je vais vous donner une réponse très simple. Parce que l'ENA est le témoin de la verticalité française, du gouvernement vertical, qui est une invention du plus vieil État souverain sur le continent. La France a inventé l'État administratif, et là, qui a fait fortune sur le continent et bien sûr au-delà du continent, et qui, sur le plan de l'organisation institutionnelle et politique, est, a été et encore le rival du système de common law britannique ou anglo-américain. Mais enfin, il ne faut pas non plus confondre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Bien, restons-en au cas français. Pour illustrer très simplement la question, je dirais la France est une Union soviétique qui aurait réussi. Vous aimez cette formule, effectivement. Oui, j'aime cette formule parce que c'est une féodalité libérale réussie. Je vais prendre un exemple tout à fait concret. Voyez-vous, l'institution préfectorale. L'institution préfectorale, c'est ce à quoi la Russie communiste a été confrontée et n'a pas pu s'en sortir, pour des raisons diverses et variées, notamment du fait que la Russie de 1917 était, vis-à-vis du reste du continent, et notamment de la France, un pays foncièrement sous-administré. Excusez-moi de vous devancer, vous dites du préfet, mais je crois que vous allez compléter, qu'il est à la fois un commissaire politique et un chef administratif. Voilà, c'est là précisément que où je voulais en venir, parce que le préfet, qui dit préfet, dit département, ça c'est encore une question à part, qui dit préfet, dit l'invention napoléonienne, qui a été une synthèse liée à la conjoncture de 10 ans de révolution entre 1789 et Brumaire, le coup d'État de Brumaire 1799, s'est écoulé 10 ans au cours de cette période. La France a expérimenté toutes sortes de régimes politiques, y compris l'État terroriste. Il ne faut jamais oublier non plus que la France a inventé l'État terroriste. 1793. Bon. Et bien, ce qui s'est passé avec Napoléon, c'est un compromis étonnant. Napoléon ne savait pas très bien ce qui allait en sortir, bien entendu, au fil des siècles à venir. Et ce préfet, qu'est-ce que c'est ? Le préfet, c'est à la fois un commissaire politique, au sens le plus radical du terme, les commissaires qui ont fait fortune sous la Première République, sous la Convention, et il est aussi un chef d'administration. Eh bien, quand l'Union soviétique s'est effondrée, nous avons eu un pléthore de spécialistes en tout genre, notamment, évidemment, comme il se devait, les techniciens américains venant des États-Unis, des soviétologues, grandes universités, seulement des soviétologues, mais des spécialistes d'organisation, de public administration, comme ils disent. Et alors, Harvard, les grandes universités américaines ont délégué toutes sortes de gens pour faire du diagnostic institutionnel. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti ? Ils nous ont sorti que c'était le produit de dysfonctionnement. Eh bien, à mes yeux, ils n'ont manifestement pas compris la situation historique et politique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas dysfonctionnement. Au contraire, l'administration soviétique c'était deux administrations parallèles, une administration politique qui était celle du parti et une administration technique qui était celle des administrateurs, des techniciens de l'administration, disons des gens de la gestion. Eh bien, c'est cette impossibilité de nouer la politique et la technique de l'administration a fait que ces deux administrations ne pouvaient que s'entre-paralyser. C'est pourquoi le régime soviétique accumulait les régimes d'exception, les privilèges divers et variés pour les scientifiques. On leur crée de toutes sortes de lieux administrés selon des règles exceptionnelles. Et des villégiatures aussi. Et tout à l'avenant, bien sûr. Mais le fond des choses qui nous intéresse, c'est vraiment cette affaire de la synthèse préfectorale qui est vraiment, je dirais, une réussite tout à fait extraordinaire, qui malheureusement n'est pas bien comprise des Français. En ce moment, la fonction préfectorale est érodée, parce que nous sommes dans l'administration française est dans une situation de, je ne dirais pas de chaos, mais de désordre technique, le chevauchement de compétences, d'imbrication, de règles multiples, de multiplication des régimes. À quoi s'ajoute la relance de la féodalité sociale. Qu'est-ce que c'est que la féodalité? C'est la multiplication des statuts particuliers. Alors que ce soit au nom du sexe, au nom de ceci, au nom des professions, au nom de n'importe quoi, on a une multiplication des privilèges, ce qui fait que sur la pente où nous sommes, eh bien, un beau jour, il faudra en revenir à ce qui se passait à la fin de l'Empire romain, où c'était le règne de la personnalité des lois. On demande à quelqu'un « sous quelle loi vis-tu ?» et on lui applique le régime qui le concerne. Je veux bien qu'on parle de république, de démocratie, mais il faudrait tout de même savoir où nous en sommes, puisque le thème que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est l'état de l'État en France. Ce qui devait arriver, est arrivé, à savoir que l'Europe, évidemment, agite le flacon pour la raison que les Français qui sont, je parle de la culture française, est coupée de la compréhension de la tradition qui porte les États occidentaux. L'État est aujourd'hui devenu, sous l'égide de la technicité occidentale, une sorte de produit international de série. C'est standardisé, c'est un instrument institutionnel standardisé, moyennant quoi on s'imagine sur cette planète désormais ceinturée d'État, que tout le monde va marcher au même pas, que l'État veut dire la même chose pour tout le monde et que le règne de la technique va enfermer toutes les questions. Bien, évidemment, il n'en est rien. Et dans le cas français, au fond, nous sommes dans une situation qui me rappelle à certains égards les grands documents de la fin de l'Ancien Régime, le rapport de Turgot, les rapports de Necker, qui ont préparé le grand coup de balai de la Révolution française, qui a agi d'une façon tout à fait, j'allais dire, étonnante, par l'audace des mesures prises, et en même temps, ils avaient dans l'esprit cette dimension ou ce sens qui a disparu, c'est la capacité de poser un geste fécond parce qu'il est aussi pour partie aveugle. Or, aujourd'hui, nous prétendons tout maîtriser, tout planifier, tout anticiper, de sorte que nous sommes devenus incapables de poser des gestes qui soient féconds, c'est-à-dire en acceptant cette dimension de l'imprévisible, laisser la vie courir, venir, s'adapter, et puis avoir bien comprendre qu'un geste est aussi un geste aveugle. Bon. Alors, quel pourrait être aujourd'hui, Pierre Legendre, ce geste fécond? J'aimerais aussi que, parallèlement à ces questions, à cette question, on reprécise ce que vous pensez du centralisme français au regard du rejet français de l'idée fédérale. Dans la mesure où vous semblez dire que notre système pourrait perdurer s'il n'était talonné par le management, mais je pourrais peut-être ajouter aujourd'hui s'il n'était talonné, non pas par tous, mais par certains avocats d'affaires, la reféodalisation à l'échelle planétaire dont vous parlez ne nous concernait pas, or elle nous concerne. Donc tout cela bouleverse l'idée d'administration. Un petit mot avant de vous redonner la parole. Puisque nous sommes dans les murs de l'Association des anciens élèves de l'ENA, j'en profite pour citer un entretien on ne peut plus fécond que vous avez accordé en mai 2007 sur la question de l'État, qui est dans un dossier qui s'appelle « État et histoire ». Et cette revue s'appelle « L'ENA hors les murs », Pierre Lejean. Bon. Ne mélangeons pas tous les registres, si j'ose dire. Parce qu'on parle, par exemple, du management pour le dénoncer, des cabinets d'affaires pour les dénoncer, mais dénoncer, ce n'est pas comprendre. D'accord. Il y a une question de fond qui est que, enfin, un fait, qui est que, comme il est naturel, la France est talonnée par la compétition en tout genre, y compris politique, y compris en Europe même. Parce que les Français sont à l'esprit, au fond, il faut appeler les choses par leur nom, par la grande nation. Ils se sont, au fond, quand on parle de l'Europe, la construction de l'Europe, les Français ont dans l'idée que ça va être, je reprends la formule des temps napoléoniens, la grande nation, la grande nation. Et que tout le monde, plus ou moins, on va arriver à des compromis, ça va passer par des compromis, mais finalement... C'est la France qui va emporter le morceau, si je puis dire. Évidemment, il y a la grande question de l'Allemagne. L'Allemagne qui, au début du 19e siècle, était un pullulement de micro-États. On sait ce que la poussée centraliste a donné en Allemagne. Ça a tourné toujours au drame. Et les Allemands ont trouvé le compromis politique, institutionnelle et démocratique de l'esprit fédéral. Mais ce qui est compréhensible en Allemagne ne l'est pas en France. À quoi il faut ajouter le fait que le monde britannique est un monde, comment dirais-je, qui est porté par l'esprit médiéval. Bon, on ne peut pas parler d'État en Angleterre, il faut parler de la couronne ou de la règle de droit, mais pas du droit ni de l'État au sens français. Alors, les Français ont le plus grand mal, puisque pour les Français, la France n'a rien à faire avec le droit romain, ni avec le droit canonique. Elle est le produit des légistes, de la monarchie, et surtout de la Révolution française. Il suffit de prendre le Code civil, n'importe quel article, ce Code civil qui est rédigé dans un français magnifique, à la Jean-Jacques Rousseau, ou qui était, comme vous savez, faisait l'admiration de Stendhal. Je pense à un article fondamental qui est très beau, qui est l'article 1134, qui dit « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les Français peuvent être fiers de cette rédaction. Grattez cet article, comme on gratte le sous-sol, comme je dis, si on a une conception sédimentaire de l'histoire et non pas linéaire, on s'aperçoit que derrière ça, il y a un texte de droit romain très célèbre qu'on peut retrouver au digeste dans le grand corpus de Justinien qui a fait loi pour toute l'Europe. Bon, et évidemment, les Anglais, c'est autre chose. Les Anglais, ce pays protestant, common law, la première fois que j'ai eu contact avec le droit britannique, c'était une sentence de la Cour de la Chambre des Lords qui traitait d'une histoire de divorce. Et c'était une argumentation comme les Français n'ont pas l'habitude d'en faire, je parle des juges français, un véritable traité. Et où il y avait, à ma grande surprise de débutant, ils ont cité non seulement le droit romain, mais les décrétales pontificales et tout à l'avenant. Donc pour eux, bien que protestants, le droit pontifical fait partie de la tradition du droit jus commune, comme on dit au Moyen-Âge, qui a donné en traduction anglaise common law. Bon, mais le common law, c'est le droit... J'allais dire, de tout le monde britannique. C'est la base du droit américain. C'est quelque chose de considérable. Donc, j'ai toujours lutté pour qu'en France, on restaure le minimum de culture pour comprendre comment est né l'État moderne. L'État moderne. Les Anglais ont raisonné pas du tout à la française. Je vais donner un exemple. un exemple tout à fait intéressant, parce qu'il montre comment nos règles politiques qui semblent aller de soi n'ont rien d'évident. Par exemple, prenons la majorité, le principe de majorité. Je note qu'il a fallu des siècles pour accepter ça, pour construire l'idée de majorité. On a d'abord accepté, et là, dans cette affaire, les élections épiscopales ont joué un rôle majeur. Bon. De même, la gestion des ordres monastiques. Bon. Mais en France, vous ne pouvez pas traiter de ces questions en sciences politiques. On va vous dire qu'est-ce que vient faire la religion là-dedans, puisque la religion est censée n'intéresser que l'individu. Or, la France est comme la reprise du système pontifical. Bon, là-dessus, je pourrais m'expliquer longuement. Mais pour en revenir à cette affaire de principe de majorité, les Anglais ont raisonné à partir d'un texte de droit romain qui traitait de la tutelle des mineurs. Ça n'a rien à voir à première vue avec la politique. Qu'est-ce que dit ce texte ? En cas de pluralité de tuteurs, quand il y a plusieurs tuteurs, une décision doit être prise pour gérer les biens du mineur, est-ce qu'il faut le consentement de tous les tuteurs ou un seul suffit-il ? Alors il y a un principe qui est tout à fait anecdotique, mais qui a été extrait de ce texte et qui est devenu au XIIIe siècle une doctrine de base. Et qui se dit, je ne vais pas vous réciter le latin, mais il dit en traduction, ce qui concerne tous doit être approuvé par tous. C'est-à-dire, il vous pose là le principe d'unanimité. Eh bien, le principe de la majorité, c'est une fiction d'unanimité. En quel sens ? Dans le sens suivant, quand le Parlement français vote à la majorité une décision, une loi, eh bien, cette loi vaut non seulement pour la majorité, mais pour tous. Donc, on retrouve là les idées. Mais c'est devenu pour nous des évidences. Mais ça n'a rien d'évident. Bon. Et alors, il y a en France aussi une question vraiment centrale, c'est qui rejoint, et je vais évoquer un point très important qui rejoint votre question sur l'esprit fédéral. Les Français ne comprennent pas l'idée fédérale. Bon, on ne peut pas leur en vouloir. Pourquoi ? Les Français. Et écoutez, ça, c'est l'histoire de la féodalité française. La démocratie française, c'est au fond une démocratisation des privilèges. Et ça s'est fait comment ? Eh bien, ça s'est fait grâce à cette institution si remarquable qu'a été le département. Or, je regrette qu'on ne lise plus ces textes, et notamment à Sciences Po. Le brave notaire de province, qui s'appelait Touré, qui a rédigé le projet de loi qu'a voté la Constituante, créant les départements, dans la foulée de la Révolution, mais immédiatement, en 90-91. Donc la France est découpée en départements. On a discuté si on allait donner des numéros ou des noms autres. Il y a eu un célèbre discours de Mirabeau qui dit « Nous ne sommes pas des sauvages arrivant sur les bords de l'Orénoque, nous sommes une nation vieille. » C'est pour ça que Mirabeau a emporté le morceau et on a donné des noms naturel au département. Bon. Mais les départements, ça c'est très intéressant, les départements. Touré, un monsieur de la bonne France, de la bonne vieille France de la fin du XVIIIe siècle, qui se trouvait là écrire une loi, et ce qui est devenu la loi sur les départements, il dit exactement ceci. Le département est fait, d'abord contre l'esprit de localité, et pour empêcher, je cite, pour empêcher la démocratie dans les provinces. Donc c'est le contraire de la loi sur la régionalisation. Pour empêcher la démocratie dans les provinces. Qu'est-ce qu'ils avaient dans l'esprit ? Pas la démocratie telle que nous la concevons. La démocratie du welfare state, qu'on nous appelons l'État-providence. Je vous signale en passant, petite parenthèse, que alors que les Anglais disent welfare state, l'État du confort, eh bien, les Français emploient l'expression du pape Léon XIII. L'État-providence, eh bien, ça a toujours été, c'est mon ami Suppiot qui a

font de grands discours avec les haut-parleurs dans la rue, qui jouent les Lénine de prise unique à la gare de l'Est et autres intellectuels ça fait de très belles carrières, ce genre d'attitude. Mais ce n'est pas mon fait. Donc, laissons ça, ça n'a pas d'intérêt pour moi. J'allais dire, pardonnez-moi, je vais blasphémer, magma de médiocrité, avec évidemment talonné par quelques représentants du ministère de l'Éducation nationale français, qui sous prétexte que j'étais citoyen français, je devais faire la politique française en Afrique. Bon, nous en reparlerons peut-être. Mais il y avait à l'intérieur de l'UNESCO des gens absolument étonnants, comme celui qui était le directeur des sciences humaines. J'ai conservé un grand souvenir, qui était Nourdine Bahmat, ou bien René Maheu, le directeur français de l'UNESCO à l'époque, dans les années 60, qui était même quelqu'un qui m'engageait à faire carrière dans l'UNESCO, ce qu'au grand jamais je n'aurais accepté. Et ce n'était pas mon horizon. Puis j'ai rencontré des gens comme François Pérou, Jacques Berck, enfin toutes sortes de gens qui m'ont vraiment tellement apporté, qui m'ont donné de l'assurance quand, par exemple, revenant d'Afrique, je voulais faire quelques notations sur mon expérience d'expert, des problèmes de formation et de formation, j'ajoute, professionnelle. Je ne venais pas vendre... je ne sais quoi, sur l'Afrique. Non, je vendais du plus concret. Je me suis coltiné au début. C'était les débuts de la formation professionnelle dans les années 60. Nous avions en France un répondant qui était Bertrand Schwartz, je crois le directeur de l'école des ingénieurs de Nancy. C'était des gens dans le concret. Moi, vous savez, j'ai besoin de ça, du concret. Et le plus concret du concret, c'est le regard sur soi, à savoir la psychanalyse. Alors, évidemment, ma vie est traversée par cette question, c'est-à-dire par la rencontre avec la question existentielle. Voilà. Ben ça, ça ne peut pas s'enseigner, ça. Bon, toujours est-il que la dogmaticité, je l'ai d'abord appris sur le divan, et je dois dire, dans la souffrance et à mon détriment. À mon détriment, dans le sens... que se regarder soi-même dans des conditions d'une analyse qui est digne de ce nom, ça, c'est plus que du remue-ménage. Vous êtes confronté à la question centrale de pourquoi vivre, pourquoi. Eh bien, le pourquoi, il est le lot de l'humanité, et si j'ai rencontré ce que j'ai rencontré, c'est parce que quand j'étais expert en Afrique, j'emportais avec moi dans mes bagages quelques textes de Gratien et quelques textes de Pic de la Mirandole, et puis ce poème qui m'a tellement porté, qui est le problème d'un mystique polonais qui s'appelait Angelus Silesius et qui dit la rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, ne désire être vue. Voyez-vous, c'est ce rapport avec le monde de la parole. Le fait que nous sommes en rapport de parole avec le monde, et que le monde, pour l'espèce humaine, qui est peut-être une espèce accidentée, il n'y a pas de rapport immédiat avec ce qu'on appelle le réel, mais que tout passe par la parole. Ah, ça, et comprendre les concepts que j'ai lancés, que je travaille, et que ce sont des concepts que j'ai conquis avec l'aide de mes relations non seulement africaines, mais japonaises. Et mes relations avec le Japon sont des relations que je peux qualifier d'intenses. Eh bien, j'ai compris pour mon compte, et j'essaie de traduire, cette affaire de l'interlocution de l'homme et du monde. Ça suppose qu'on ait compris au départ un certain nombre de choses, le primat de la vie de la représentation. Dans cette affaire dont je me suis occupé, avec ce crime de ce pauvre garçon, un militaire canadien qui avait commis ce meurtre, persévère un peu sur votre, enfin que l'on continue, pardon, sur votre psychanalyse. Elle a duré d'abord combien de temps? Et il y a effectivement un point de rencontre entre l'existence de la psychanalyse et la manière dont vous allez apporter quelque chose à la psychanalyse. Vous aimez dire ce que la psychanalyse m'a apporté et ce que j'apporte à la psychanalyse. Donc nous sommes à la fin des années 50, vous êtes étudiant, vous avez vent de l'existence de la psychanalyse, vous commencez à fréquenter un divan, quelques années plus tard vous partirez en Afrique où effectivement là vous apprenez de vos maîtres nègres, comme vous dites, à conquérir un regard étranger sur l'Occident. Alors, est-ce qu'on peut approfondir justement cette question de l'entrée en psychanalyse, de votre rapport à la psychanalyse et de votre rapport à l'Occident ? Je vais vous dire, d'abord, je ne répondrai pas à la question combien de temps dure mon analyse, mais je répondrai à la question, aux questions concernant ce que l'apport de la psychanalyse et mon apport à la psychanalyse. D'abord, bien sûr, dans les années 50, quand j'étais agrégatif, j'étais sur un divan, mais personne ne pouvait soupçonner que j'étais sous un divan, parce que c'eût été non seulement scandaleux, mais ça m'aurait fermé les portes, je pense, de l'université à cette époque, du côté des facultés de droit. Bon, du reste, au fil du temps, j'ai compris ce que pouvait être. Aujourd'hui, la psychanalyse est résorbée, n'est-ce pas? Le temps de l'ouverture est terminé, donc ça peut circuler partout. Mais encore dans les années 60, en 1978, quand j'ai brigué de représenter l'histoire du droit canonique dans la section des sciences religieuses, à la Sorbonne, de cette vieille école pratique des hautes études, mon élection a été une histoire à dormir debout, dans le sens où mes opposants, qui étaient nombreux, des érudits pourtant parfaitement dignes de la fonction qu'ils exerçaient en tant qu'érudits, mais l'argument contre ma candidature était celui-ci. Ça m'a été rapporté par quelqu'un digne de foi. Avec le gendre, ça se passe au-dessous de la ceinture. Voilà les arguments qui circulaient. Encore à la fin des années 70, ça n'empêchait pas ces personnes de faire de belles carrières, y compris au Collège de France, n'importe où, parce que ça se vante. Ça, de toute façon, il ne s'agit pas des carrières des gens, il s'agit du fond des choses. Bon, et la psychanalyse, elle dévoile les coulisses. Et comme je dis, c'est un accident de la pensée scientifique, parce que l'humain occidental retrouve en lui la dimension mythologique, le fantasme intégriste, absolutiste. Et ça ne colle pas avec les idéaux scientifiques, encore moins politiques. Bon. Donc, ce que Freud a mis en relation, c'est la dimension subjective de cette architecture de la construction du sujet et ce qu'il appelle la culture. Eh bien, moi, j'ai poursuivi ce champ qu'il a laissé, je ne dirais pas en plan, parce qu'il ne pouvait pas être partout, mais il avait bien senti, je reprends un de ses propos, le développement de la culture ressemble à celui de l'individu et travaille avec les mêmes moyens. Donc, si on veut comprendre la construction de la société, il faut d'abord étudier l'homme. Ça se trouve, ça a été charrié, cette idée, dans toute la tradition occidentale. Bon, moi, je le reprends dans le fil freudien. Est-ce que c'est votre manière à vous, Pierre Legendre, de renouveler le concept de société, la notion de société? Vous aimez souvent dire non seulement la société doit tenir debout, mais elle doit avoir l'air de tenir debout. Oui, ça c'est un concept des anciens, un concept de Vitruve, le grand architecte latin, qui employait le mot de firmitas pour, en disant non seulement un bâtiment doit, ça veut dire non seulement un bâtiment doit tenir debout, mais il doit avoir l'air de tenir debout. Ça, c'est je dirais, le côté décor de la dogmatique, ce qu'inclut le terme dogmatique. Mais il y a surtout une chose de fond, parce que avec mon apport, le concept de société se trouve bouleversé. Pourquoi ? Parce que l'idée, d'abord, il faut sortir de, je sors de la conception linéaire de l'histoire pour introduire l'idée d'une histoire sédimentaire. Autrement dit, le passé est refoulé, ne disparaît jamais. Ça m'a beaucoup, et ça m'a été très utile quand j'étais expert en Afrique, pour la raison que je pouvais faire des pronostics politiques et institutionnels qui se sont avérés malheureusement justes. Donc, bon, d'autre part, donc, quand on est dans cette conception non plus d'une histoire linéaire mais sédimentaire, on comprend que les montages, les institutions, l'enveloppe institutionnelle, la construction de la raison, c'est-à-dire qu'il y a un domaine dans lequel le principe de non-contradiction ne joue pas. C'est ce qui se passe quand nous sommes sur l'autre, quand l'autre scène se dévoile sans notre contrôle pendant la trêve du sommeil. Le rêve, personne ne le maîtrise. Mais d'autre part, dans la vie de la réalité, eh bien, c'est le triomphe du principe de non-contradiction. C'est là-dessus que se construit l'humanité. Et par voie de conséquence, le monde social, c'est d'abord une construction d'interprétation, c'est une affaire langagière, fondamentalement. Et par voie de conséquence, j'ai introduit ce concept de texte, avec majuscule, comme l'équivalent, mais comme l'équivalent du concept de société, de culture, de civilisation. Et dans ces conditions, ça a une conséquence politique. Pourquoi ? Parce que, bon, d'abord une conséquence de méthode, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler de la même façon en fabriquant des théories surgelées à consommer n'importe où sur la planète et qui donnent ainsi aux intellectuels occidentaux une espèce de rente de situation qui consiste finalement à dire ou qui sous-entend à l'adresse du reste du monde, eh bien, vous suivez nos pensées ou bien vous êtes des demeurés, parce que ça revient tout de même à ça. Et la conséquence, c'est que la notion de texte met toutes les cultures à égalité. Nous sommes tous à égalité devant la logique de la vie, de la représentation, devant la logique langagière. Ça porte à d'immenses conséquences, Et je comprends pourquoi les Asiatiques, en ce moment, sont si intéressés et travaillent. Il y a des groupes de travail au Japon qui travaillent dans cette perspective. Ça porte du nouveau. Ça porte aussi du nouveau extrêmement intéressant, pour moi particulièrement, qui est l'importance des mises en scène de l'esthétique. C'est un nouveau regard aussi sur l'esthétique. On n'a jamais vu encore gouverner une société, on ne verra jamais gouverner une société humaine sans les musiques, sans les rituels, sans les cérémonies. Donner ce sujet aux élèves de Sciences Po en leur demandant pourquoi, ils vous rendront copie blanche. Seulement, ceux qui travaillent avec moi, ils ont le moyen de répondre et d'en tirer surtout des conséquences pratiques. Voilà. Mais encore une fois, le noyau de mon apport, c'est à la psychanalyse que je le dois. Mais évidemment, le milieu enclavé, encastré, comme il est en ce moment dans la répétition, sauf exception, évidemment, mais encastrée dans le rabâchage, la psychanalyse, telle qu'elle est, ne peut tirer aucun profit de ce que j'avance. Pierre Legendre, mettons les pieds dans le plat. Ce que vous appelez le rabâchage, c'est finalement l'ère libérale, libertaire. quand vous attaquez au cynisme de notre époque, c'est pour effectivement dénoncer la casse de ce montage dont vous venez de parler, qui passe selon vous par le scientisme, la technique, l'idéal anti-tabou et la réduction de l'institutionnel au gestionnaire. Mais mettons les pieds dans le plat parce que, plusieurs fois, vous faites allusion, effectivement, à ce qui, pour vous, relève de la casse. Vous prenez exemple du code de la famille, du nouveau code de la famille espagnole, de certains cas, de mariage entre homosexuels, mais disons de certains cas où des homosexuels adoptent, disons, des enfants et se reconnaissent le droit à être l'un père ou l'autre mère, s'il s'agit d'homosexuels masculins. Et il y a effectivement chez vous, les intellectuels occidentaux, que vous ne nommez pas là, souvent vous reprochent d'être un conservateur. Vous savez, les interprétations cassantes, abruptes et brutes de mes propos et de mes écrits m'indiffèrent totalement. Je constate que nous sommes dans l'idéal aujourd'hui de ce que quelqu'un aux Pays-Bas tout récemment a exprimé sous les espèces de mi-society, la société moi, dans le sens suivant. Une personne, et alors c'est à l'étude, on en parle et les juristes s'en mêlent, une personne s'est mariée tout récemment avec elle-même. Voilà un exemple typique de ce que produit cette désymbolisation de masse, cette cruauté d'un style nouveau que j'appelle la caserne libertaire, libéral-libertaire, parce que tout ça se tient. Et vous savez, je n'entre pas dans ce qui n'est pas un débat. Nous sommes en présence de minorités agissantes, d'une doctrine qui entend aboutir à ses fins, n'est-ce pas ? Il y a toutes sortes de moyens pour ça, et qui tient pour acquis que ce qui est, ce qui existe, en particulier le déchaînement de la doxa homosexualiste, doit mobiliser le système institutionnel, le briser, ça va avec le reste, c'est-à-dire avec la multiplication des statuts particuliers, qui est un retour mondial à la féodalité. Ce sont des pratiques féodales, mais là, d'un genre absolument, absolument nouveau. Et vous savez, et évidemment, tout ça passe par, vous savez, c'est comme l'accomplissement d'une prophétie d'Orwell, nous taillons le langage jusqu'à l'os. Ça se trouve dans 1984, dont j'avais fait un commentaire un jour au Conseil de l'Europe, il y a de ça bien longtemps. Pierre Lejean, dans votre belle conférence, La balafre à la jeunesse désireuse, une conférence que vous aviez prononcée en octobre 2006 devant les élèves de classe préparatoire du lycée Louis le Grand et qui est parue en mars 2007 aux éditions Mille et une nuits, à la page 92, effectivement, vous revenez sur cette nouvelle signature culturelle occidentale, sur cette débâcle des démontages, et vous citez en note, illustration, la loi espagnole du 1er juillet 2005 autorisant le mariage homosexuel tire la conséquence linguistique. L'exposé des motifs précise que, dans le code civil ainsi réformé, les références au mari et à la femme, au père et à la mère, sont remplacées par la mention des conjoints ou des parents. Voilà. Voilà, voilà. Et sur cette lancée, du reste, l'Espagne, qui est maintenant vieux pays catholique, je le signale, ça doit y avoir bien des liens, tout ça. Mais laissons ça, ce n'est pas notre objet. En février 2006, il y a une loi sur les actes d'état civil. On va remplacer la notion de père par le parent A et la notion de mère par le parent B. Nous sommes vraiment dans ce qu'au temps stalinien, on appelait la révision des valeurs. et la révision des valeurs qui s'attaque au langage, c'est-à-dire au principe de raison. Je vais vous en donner encore une démonstration. Le Québec, encore vieux pays d'ultra-catholique qui tout d'un coup... Mais alors ça m'intéresse beaucoup ces choses-là, parce que ça ne vient pas de rien. Eh bien, le Code civil du Québec vient dans un article, je crois, 539 du Code civil, déclare que dans le cas du couple homosexuel femme, si une des deux mères fait un enfant, les droits du père seront délégués à la mère qui n'a pas enfanté. Je résume. Bon, ça veut dire qu'il y a une mère qui enfante et une mère-père, donc qui accouche du père. Écoutez, alors je pose la question aux Français, est-ce que vous croyez qu'au nom de cette démocratie déraisonnable, vous allez convertir le reste du monde ? Et je pense qu'on agence, de par ces mesures éclatantes, progressistes, etc., j'en passe, des qualificatifs, n'est-ce pas ? Des qualificatifs de célébration de tout ça. Les Occidentaux sont en train, avec ça, d'essayer de vendre leur propre décomposition. Vous savez, il y a dans Huntington, non pas ce que je dis, mais un certain nombre de choses comparables. Je pense qu'il a raison, il a vu très bien, je n'argumenterai pas avec ses propres arguments, mais il y a un problème de fond. Nous avons toujours été dans le conflit des cultures, et là, nous nous y enfonçons de jour en jour. J'ajoute encore une chose, du Québec, justement. Une transsexuelle, alors il faut quand même que les Français prennent conscience de ce qu'on leur vend, de ce qui leur est vendu, y compris maintenant par des partis politiques et des intellectuels, philosophes, s'il vous plaît, de premier rang, qui vendent ça parce que ça se vend très bien. Voici le cas. Une mère transsexuelle se fait transformer en homme. Elle a un enfant. Le problème se pose, quel est le statut généalogique de cet enfant ? La question a été portée devant les tribunaux pour des raisons, je n'ai plus le dossier avec moi. Alors, le juge a convié des experts, travailleurs sociaux, psychologues, etc., qui ont dit tout simplement, cette mère ayant exigé, de par la loi du Québec, c'est possible, de changer son état civil, eh bien, le juge, reprenant les formules des travailleurs sociaux, dit exactement ceci. Pour cet enfant, sa mère est morte. Alors, où sommes-nous ? Je pense que nous sommes dans la déraison, que c'est une pente de déraison. Maintenant, si les Français veulent aller là-dedans, ils iront. Je n'ai rien d'un moraliste. Simplement, moi, je m'occupe des constructions de la raison. Vous savez, c'est l'absence de limites, la débâcle. De toute façon, les enfants sont transformés en parents de leurs parents. Ils n'en peuvent mais. Ils ont le... Éventuellement, on les lâche dans la rue parce que c'est là, paraît-il, qu'est le nouveau gouvernement démocratique. Moi, je veux bien. Mais où est-ce que tout ça mène la jeunesse ? Je sais qu'en ce qui me concerne, venant d'où je venais, je n'aurais pas survécu à ces manières de perversion des institutions. Merci, Pierre Legendre. Nous survivrons demain. Et nous accoucherons, j'espère, non seulement du père, de la mère, mais aussi d'enfants qui tiennent debout. C'était À Voix Nue. Philippe Petit s'entretenait avec Pierre Legendre, réalisation Dominique Costa. Demain, nous évoquerons la fabrique de l'homme occidental. Est-ce que c'est votre manière à vous, Pierre Legendre, de renouveler le concept de société, la notion de société ? Vous aimez souvent dire non seulement la société doit tenir debout, mais elle doit avoir l'air de tenir debout. Oui, ça c'est un concept des anciens, un concept de Vitruve, le grand architecte latin, qui employait le mot de firmitas pour, en disant...

convié des experts, travailleurs sociaux, psychologues, etc., qui ont dit tout simplement, cette mère ayant exigé, de par la loi du Québec, c'est possible, de changer son état civil, eh bien, le juge, reprenant les formules des travailleurs sociaux, dit exactement ceci, pour cet enfant, sa mère est morte. Alors, où sommes-nous ? Je pense que nous sommes dans la déraison, que c'est une pente de déraison. Maintenant, si les Français veulent aller là-dedans, ils iront. Je n'ai rien d'un moraliste. Simplement, moi, je m'occupe des constructions de la raison. Vous savez, c'est l'absence de limites, la débâcle. De toute façon, c'est, les enfants sont transformés en parents de leurs parents. Ils n'en peuvent mais. Ils ont le, éventuellement, on les lâche dans la rue. Parce que c'est là, paraît-il, qu'est le nouveau gouvernement démocratique. Moi, je veux bien. Mais où est-ce que tout ça amène la jeunesse ? Je sais qu'en ce qui me concerne, venant d'où je venais, je n'aurais pas survécu à ces manières, de perversion des institutions. Je constate le sacrifice humain de masse. J'ai eu affaire, dans ce laboratoire que j'avais constitué, à des problèmes cruciaux du genre de, des dossiers de jeunes meurtriers qui n'ont pas accès, je ne dirais pas au remords, mais à la culpabilité. Vous pouvez toujours les condamner. C'est comme l'eau sur la peau d'un canard, ça glisse. Bon, alors, dans les centres sociaux, éducateurs, etc., un certain nombre de centres que j'ai connus prononçaient le mot d'autorité, ils sont révulsés hein, d'entendre ce mot, rien que ce mot. Bon, vous allez avoir prochainement des colloques sur l'autorité. Maintenant que les vents tournent, le troupeau va changer de direction. Vous savez, je suis d'un pays d'élevage et je sais ce que c'est que le problème de changer les vaches de champ quand il faut traverser la route. Bon, pardonnez-moi mes excès de langage, mais c'est un fait. On refuse aux jeunes le minimum vital, laissons le mot symbolique, qui ne veut plus rien dire à force d'avoir été mis à toutes les sauces. Quel mot vous voulez qu'on prenne ? On peut user de tous les mots simples. Les mots simples, c'est-à-dire la construction de l'humain, la construction des enfants, la construction des adolescents, la construction humaine, ce qui répond à une logique. Il y a une logique. Évidemment, on peut promouvoir la société anormative. Anormative. Il y a eu pendant des décennies, dans la presse UP, hein, ne pas être normatif. Alors ça commence par la déstructuration à l'école. L'école de la République... L'école de la République, je dis parfois, mais de quelle République parlez-vous ? Mais il n'y a plus de République. Quelle République ? L'école, à l'école, le simple geste d'écrire, les séances d'écriture, il n'y a rien de plus séparateur d'avec soi-même, de plus constructif de la personne que les séances d'écriture. J'en prends un exemple que vous verrez précisément dans le film La fabrique de l'homme occidental. Les séances d'enseignement à l'école de la danse de Paris pour les jeunes enfants qui suivent l'enseignement et qui sont aussi des enfants danseurs. On leur apprend à écrire et ils découvrent quelle leçon, une leçon mais d'anthropologie fondamentale. Ils découvrent la danse dans l'écriture, dans l'écriture, lettre, mot à mot, les pleins et les déliés, la ponctuation, ils apprennent la danse en écrivant. Bon, que voulez-vous que j'y fasse ? La décomposition et la décomposition, quand il est question de 68, moi je n'ai pas de position. Pour la raison que ce n'était pas le problème des jeunes, c'était le problème des adultes, de ceux qui ont été incapables, sortant de 50 ans de tuerie, d'enseigner un monde qui ne soit pas un monde à l'envers. Qu'est-ce que c'est que le monde à l'envers ? C'est le monde des camps. Dans les camps, qu'est-ce qui se passe dans les camps ? Vous savez, les récits, les mille récits. Dans les camps, le SS, il sort son revolver parce que, eh bien, ta tête ne me revient pas. Ou bien, il te frappe. Voilà, voilà, c'est ça, l'absence de limite. Ça s'apprend dans les camps. Le journal, en 1968, puisque vous venez de parler de ces événements, vous enseignez à Nanterre. J'ai enseigné à Nanterre à partir de la rentrée de 1968. J'ai vu les bons enfants bourgeois du 16e arrondissement, parce qu'à cette époque, il y avait une sorte de compétence territoriale de cette université, qui est à majorité des enfants des meilleurs quartiers. Eh bien, pardonnez-moi, à la faculté de droit, j'ai vu ça, dans les toilettes toutes neuves, ils chiaient par terre. Et j'ai dit à quelques-uns, j'ai dit, voilà qui est un geste démocratique, qui va nettoyer cela ? Et bien évidemment, les pauvres esclaves des HLM des alentours, en l'occurrence à l'époque, les pauvres portugaises qui cherchaient à nourrir leur famille. Bon, voilà. Moi, je fais passer mes examens à Lille sous la protection de la gendarmerie. Qui sont les victimes ? Ce sont les victimes, ce ne sont pas ceux qui toujours peuvent se refaire une santé dans la vie, qui ont des parents, qui ont des relations, ou alors qui vont se faire les dents en président l'UNEF, par exemple. Ah, ça, on va voir se multiplier les fils à papa-maman, là, dans les partis politiques, à leur agiter le flacon, de menacer les gouvernements de manifestations monstres pour faire reculer le gouvernement. Que des jeunes. Qui sont en formation, prétendent parler au nom de tous les jeunes, de tous les étudiants, eh bien, je vais vous dire, ça me choque. Ça me choque parce que pour moi, c'est l'envers de la démocratie, c'est le monde à l'envers, c'est vraiment marcher sur la tête. Pierre Legendre, lorsque vous faites l'inventaire de 1968, est-ce que, d'abord, il n'y a rien de ces événements que vous pourriez sauver a posteriori, sachant que, bon, bah, à la même époque où vous étiez à l'université de Nanterre, officier également des gens comme Jean Baudrillard, que je crois que vous estimez, enfin, surtout peut-être le Jean Baudrillard qui avait écrit sur le 11 septembre dans Le Monde. Mais est-ce que, bon, apparemment, bon, ce n'est pas un regard a posteriori, mais est-ce que vous diriez que justement cette casse, cette perte des repères qui est là, comme ça, mise en scène dans nos sociétés libérales avancées, est-ce qu'elle provient d'abord uniquement de 68, ou est-ce qu'elle n'a pas des antécédents plus récents ou plus anciens ? Et est-ce que tous ceux qui ont essayé de réfléchir sur les normes ou la normativité, je ne pense pas à quelqu'un comme Michel Foucault, que vous avez plusieurs fois critiqué, souvent d'ailleurs à juste titre dans certains de vos écrits. Mais je pense par exemple à quelqu'un comme Georges Canguilhem, qui réfléchissait aussi sur les normes vitales et qui pouvait dire des phrases, disons, un peu comme celle-ci, à savoir que tout individu, tout sujet vivant est aussi créateur de normativité, en tant qu'il est confronté, justement, à un milieu donné. Or, pour clarifier, justement, cette notion de normativité, j'aimerais que vous puissiez nous dire en quoi, chez vous, elle ne se rapporte pas du tout à la liberté, disons, individuelle, telle qu'on l'entend habituellement, mais plutôt, disons, à un fait de structure, c'est-à-dire la normativité est quelque chose qui obéit à l'ordre de la structure. Est-ce qu'on peut approfondir ce point pour essayer d'aborder la question de l'Occident ? Oui, absolument, absolument, absolument, vous avez tout à fait raison. Du reste, je vais vous dire, moi, pour 68, je n'ai rien contre 68, dans le sens que la société française était devenue respirable. L'université était irrespirable. Mais le retournement s'est opéré dans des conditions telles que, eh bien, on a mis en œuvre l'absurdité. L'absurdité. Encore une fois, vous savez, quand je voyais un certain nombre de mes collègues dans des séances de confession publique passer aux aveux, je trouvais ça dérisoire, lamentable, vraiment triste leçon à donner aux plus jeunes. Bon, cela dit, la façon dont les choses ont été reprises, ça a été vraiment, vraiment plus que critiquable. J'avais fait un petit article pour un commentaire du discours d'Edgar Faure, qui avait été aussi certainement agencé par son conseiller, là, Michel Alliot, un autre historien du droit. J'avais lu à la loupe ce texte et j'en avais fait la critique. Je voulais le publier dans une des revues UP, l'Esprit, pour ne pas le nommer. Et évidemment, ils ont refusé, pour la deuxième fois du reste, ils avaient refusé de moi un texte sur les comportements de l'ONU en Afrique. Et cette fois, ils m'ont refusé aussi ce texte. Bon, je passe, parce que c'est la censure française typique. Et vous avez toujours en France un discours monumental qui s'installe, contre lequel il est inutile d'apporter des commentaires. Bon, donc, vous savez, la question de normative, c'est en effet une question de logique, de structure. Quand on met en œuvre, il est interdit d'interdire, c'est une manière d'instituer normative. C'est aussi normatif que son contraire. Seulement, ça produit des effets de déroute. Ça produit des effets de déroute. Alors, moi, vous savez, 68, tout ça, c'est... autant n'emporte le vent, ce sont des... Vous savez, en France, ce pays si conservateur, si bien conservé, du reste, on conserve, je dis, la pensée à la cave, alors comme des bouteilles de vin. Eh bien, je crois que les crus de 68 sont maintenant éventés et ça a un goût un peu âcre. Je pense que bientôt, ça ne va plus saouler personne. Bon, mais ça, je peux me tromper lourdement. Mais il y a des pronostics qu'on peut faire. Il y a des pronostics selon la logique. Vous savez, comment j'ai compris 68 ? Eh bien, je vais vous dire, en lisant la Divine Comédie. Il y a, dans la Divine Comédie, des métaphores. En plus, Dante est un théoricien du pouvoir. Il a écrit autre chose que la Divine Comédie. Bon, il a écrit des... chose très politique. Eh bien, s'il y a dans la Divine Comédie, dans l'Enfer, une scène sur les magiciens, quel est le malheur qui frappe dans l'Enfer les magiciens ? Eh bien, c'est d'avoir la tête à l'envers et de marcher devant. Et il y a cette formule qui caractérise bien la situation d'après toutes les décennies que nous venons de vivre. Comment dit-il, notre image tordue à ce point, voilà. Ben les magiciens, qui sont les magiciens, ce sont ceux qui prêchent, j'allais dire, cette espèce de surhomme, n'est-ce pas, de l'affranchi. Vous savez, c'est la pente, je crois, et ça va très loin, tout ça. 68, c'est une... des bulles au-dessus de la mer, ça. Mais le fond des choses est ailleurs. Et il y a quelqu'un qui me semble avoir bien compris la pente, c'est Houellebecq. J'apprécie beaucoup ce qu'écrit Houellebecq, il a compris. Ce qu'il fait de son désespoir, c'est une autre question qui le concerne. Mais le fond des choses, il le voit. Nous apprendrons du nouveau, parce que les Occidentaux ne pourront plus bientôt prétendre faire la leçon au monde entier. Voilà ce qui est à l'heure. Alors 68, ça, ce sont des banalités. Oui, Pierre Legendre, oui, les crues de 68 sont amères et ne sont plus tellement d'actualité. Les effets sont là. Ils sont à l'œuvre, les effets sur le long terme, qui sont pour moi les effets dans les sociétés post-hitlériennes. Pourquoi ? Parce que Ce que les Occidentaux ont dans la tête, c'est que le pouvoir est tyrannique. Ils ont vécu avec des tyrans. Donc, quand vous avez dans la tête que le pouvoir est un tyran, vous ne pouvez que le refuser. Et donc, ça, c'est les effets de se délivrer du tyran. Et donc, chaque fois qu'il est question de pouvoir, comme il ne peut être que tyrannique, il n'en faut pas. Il ne faut pas de pouvoir sous aucune forme. Or, moi, je m'occupe à plus d'un niveau de la mécanique de ce qu'on appelle le pouvoir. Du reste, les Occidentaux, et il est question de ça dans le film, puisque j'ai fait une grande séquence à la bibliothèque vaticane, dans le jargon latin, il distinguait auctoritas et potestas, c'est-à-dire l'auctoritas, c'est, on peut traduire par l'autorité, mais c'est la place du garant. Ensuite, il y a potestas, l'exercice du pouvoir. Si on traduisait ces termes en termes de gestion moderne ou ultramoderne, on dirait que c'est l'équivalent du président-directeur. L'autoritas, c'est le président-directeur général d'une firme, et potestas, c'est le directeur général. Voyez-vous, il y a des niveaux de pouvoir. Ça, il y a une logique là-dedans. En fait, l'autoritas, c'est la place de l'emblème. C'est la place du garant, au-delà duquel c'est le vide. Mais pour ça, ça suppose, alors on entre dans les questions de la structure, le versant de la structure que, dans le langage occidental, hérité des siècles, et notamment du juridisme des Romains, on appelle religion. Est-ce qu'on peut reprendre, puisque nous parlons là de la fabrique de l'homme occidental, qui est à la fois un texte, d'ailleurs très, très poétique, un scénario, mais aussi un film qui était sorti en 1996 et qui ressort cette année en DVD. Est-ce qu'on peut reprendre l'exemple de la danse, de l'écriture de la danse, sachant que, bon, la danse, vous avez consacré un livre qui s'appelle « La passion d'être un hôte », étude pour la danse, qui était reparu en l'an 2000, je crois, aux éditions du Seuil, oui, en l'an 2000. Et cette question du garant que vous venez d'évoquer, Pierre Legendre, elle a un rapport avec autre chose qui est centrale chez vous, le théâtre. Vous dites dans ce livre sur la danse, c'est pour ça que j'y renvoie également, parallèlement à cette scène de la fabrique de l'homme occidental, théâtralement, nous sommes morts. Qu'est-ce que ça veut dire, théâtralement, nous sommes morts? Ça veut dire d'abord que nous vivons dans l'illusion scientiste, en proie à la maladie de l'explication. Une chose que j'ai retrouvée en Afrique où j'étais qui m'était si familier, c'est que si on évacue la dimension de l'énigme, de ce qu'on ne comprend pas, eh bien, il n'y a pas de vie possible. Ou il y a une vie un peu abrutie, consommante, bon, etc. En fait, nos manières de vivre, c'est un darwinisme social qui ne digérera jamais son nom et qui fait semblant d'être démocratique. Bon, mais la théâtralisation, elle est au cœur du monde. Ce que j'avais vécu moi, puisque je me suis laissé aller à vous parler de mon enfance, ce que j'avais vécu moi dans mon enfance dans la Normandie du Cotentin, une Normandie très catholique, très ritualiste, c'était des gens qui étaient en proie à des rituels dont ils n'avaient absolument pas le sens. Ils pouvaient chanter des hymnes, du reste très poétiques, en latin, une langue, l'équivalent d'une langue secrète. Quand je suis allé en Afrique, là j'ai fait mes classes sur la danse. La danse, c'est une grande question pour moi. Et j'ai été encouragé à poursuivre après cet ouvrage par la seule personne en France qui encourageait mon travail, une fois fait, ce livre que vous citez sur la danse, c'était le roi Gourand. Le roi Gourand, je crois qu'il n'a pas de successeur, le roi Gourand. Bon, mais voyez-vous, en Afrique, Ce monde m'était comme familier, alors que je n'avais rien à voir avec cette culture-là, n'est-ce pas ? Avec cette culture-là. Et même pour entrer dans la culture nègre classique, ou ce qui en restait, qui était très vivant, on a un moment de recul. Un moment de recul. Ça, je dois dire, un de mes enfants a très bien exprimé la chose, le contact avec ce qui est autre et radicalement autre. Un jour, un de mes enfants dit à table, il avait 4-5 ans, à Mpateba, il lui dit « Pourquoi t'es noir ?» Et Mpateba répond « Parce que je suis resté trop longtemps au four. » Bon, c'était une réponse pour un enfant parfaite, parce que voilà, c'est le mystère de l'altérité. Je me méfie beaucoup, beaucoup de l'interculturalisme, du méli-mélo, de la fin des identités, du grand discours, etc., de la mixture, là. Parce que ça veut dire que ceux qui tiennent ce discours n'ont pas plus le sens du respect et de l'existence de l'autre que les pires colons que j'ai connus. Bon, donc, voyez-vous, cette affaire des rituels, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. De même, le premier des rituels dans nos sociétés, ce serait la calligraphie. Ce serait d'apprendre à écrire, bon sang. Parce que je sais, pour les avoir combattus, que des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, lequel ministère est à mes yeux un État dans l'État, qui aujourd'hui gouverne plus d'un million de fonctionnaires, c'est chose aberrante. Je n'irai pas plus loin, mais tout de même, priver les enfants de cette entrée dans la vie, qu'on peut appeler alors symbolique, puisqu'il ne s'agit pas de la chose matérielle, ça, c'est à mes yeux criminel. Un mot quand même, Pierre Legendre, reconnaître le creuset mythologique et religieux qui est toujours actif dans nos idéaux conquérants aujourd'hui, c'est reconnaître la part essentielle du romano-christianisme dans la fabrication de l'Occident. Et Dieu sait si vous insistez sur la différence entre raison juive et raison chrétienne dans vos ouvrages. Dieu sait, justement, si vous ne mélangez pas judaïsme et christianisme, judaïsme et romano-christianisme. Alors, nouer le corps et la parole, ça appartient à la fonction dogmatique des sociétés. Il est évident que entre juifs et chrétiens, ce n'est pas le même nouage. Voilà, s'il y a des choses de fond qui ont constitué l'Occident. Je suis étonné de ce qu'on dit quand on... La preuve que nous sommes bien dans une vie sédimentaire et non pas dans une vie linéaire, c'est au-delà de ce que la psychanalyse apprend sur le sujet. Dans les sociétés, c'est la même chose. Il n'y a pas le judéo-christianisme qui vient comme ça pour avoir l'air d'avoir une tradition, puisque les traditions, il paraît que maintenant, c'est vraiment le contraire de la vie. Il y a le judéo-christianisme. Gréco, parce qu'on oublie la dimension grecque, ça c'est encore une autre affaire, que l'inexistence de l'Orient byzantin pour les Occidentaux, en particulier européens, en particulier français. Bon, romano, parce que c'est la marque du droit romain, christiano-laïque, tout ça se fait un tout. Il n'y a pas... Et alors, la question de l'interprétation est au cœur, et la question de l'interprétation, c'est-à-dire la question du statut du corps, de la corporalité dans l'interprétation, est au cœur de toutes les civilisations, est au cœur du grand conflit de fond entre le christianisme et le judaïsme. Ça, ce sont des choses très importantes, extrêmement très importantes pour comprendre, par exemple, pour comprendre l'avènement de l'État, pour comprendre le rôle du noyau médiéval du christianisme pontifical. Du reste, si j'ai tenu à ce qu'on ait une séquence pontificale, à la fois dans la bibliothèque vaticane et dans la séance d'acclamation du pontife romain, c'est pour des raisons de fond. Du reste, les acclamations du pontife

cette appellation, ben c'est l'appellation pontificale. Ce qui prouve que les Français ont beau être laïcs, ben voyez-vous, ce sont de fidèles pontificaux. Bien. Alors, j'en reviens au département. Si la France met de l'ordre dans ses affaires, elle devrait vraiment faire une opération de lessive, une lessive institutionnelle, et supprimer le département. Supprimer le département. Je suis le partisan de supprimer les départements. C'est évidemment avec ça, ça va avec une déféodalisation de la France. Et ça, c'est touché à la démocratisation des privilèges. Alors ça, je ne fais aucun pari là-dessus. C'est ce que vous appeliez tout à l'heure un geste fécond. Voilà. Merci Pierre Legendre pour ce regard appuyé sur l'état de l'État. Demain, nous parlerons de l'empire du management. C'était À Voix Nue. Philippe Petit s'entretenait avec Pierre Legendre. Réalisation Dominique Costa. Il y a une vieille histoire, une vieille caricature du 19e siècle qui évidemment n'est pas française, mais qui disait, qui résume bien un peu, comment dirais-je, l'idéologie sociale qui se vend très bien dans le monde éducatif et universitaire. Ça disait, les Anglais tous actionnaires, les Allemands tous factionnaires, les Français tous fonctionnaires. Ben, vous voyez, tant qu'on reste là-dedans, eh bien, ça ne va pas. Et tant qu'on reste dans l'idée qu'il ne faut jamais sélectionner, qu'il ne faut jamais, qu'il ne faut pas exiger, que chacun doit vivre dans son jus narcissique, il ne peut rien en sortir, eh bien, d'inventif, de grand, de nouveau. Bon. Donc, pour moi, voyez-vous, il y a là un peu de ménage à faire dans nos manières de voir, où nous, les Français ne conçoivent le mécénat, par exemple, que public, parce que bien l'État c'est à la fois l'objet de haine, mais aussi la mer inépuisable, la corne d'abondance, et pour parler comme on parlait dans ma Normandie natale, la vache à lait. Oui, Pierre Legendre, d'un côté, vous nous dites le fond de la civilisation est touché, le management a pris possession de la planète. De l'autre, il y a une séquence dans ce film où Pascal Lamy est en train de discuter pour s'entendre avec divers pays sur le prix de la sardine, je crois. Et donc, de l'autre, vous semblez défendre l'OMC, qui oblige les grandes puissances à rendre des comptes. Vous n'êtes pas particulièrement favorable aux ONG, en tout cas à certaines. Vous dites souvent qu'avec les ONG, on en fait trop. Bref, tous ces bluffs, mais en même temps, cette idée que le fond de la civilisation est touché, comme je le disais, il faut changer l'individu. Là, vous êtes très critique sur la life extension, justement. Alors, où est la part de vérité du management et où est la part de ces dangers? Mais la question est peut-être trop manichéenne. Savez, non. Vous savez, toutes ces questions se tiennent. Oui. Vous avez des séquences très intéressantes et qui illustrent tous nos propos, de notre échange. Qu'est-ce qui est le maître du monde? C'est le temps. L'autorité, qu'est-ce que c'est que l'autorité? Ben, c'est d'abord le temps. Et alors, voilà qui est contesté. D'abord, oui, au plan subjectif et institutionnel, on s'attaque aux constructions millénaires du principe généalogique. D'accord. Il n'y a plus ni père ni mère, etc. Bon, la mêlée générale narcissique des petits nouveaux enfers familiaux. Et d'autre part, ce qui va avec, parce que la généalogie Et l'autorité dans les systèmes familiaux, c'est tout simplement la reconnaissance que le temps passe, qu'il y a la vie et la mort, et que s'il y a des parents et des enfants, c'est parce qu'il y a la succession des générations. Ça, toute l'humanité a compris cela jusqu'à présent. Mais voilà que les Occidentaux prétendent abolir cela. Remettre en cause les âges de la vie. Les âges de la vie. Remettre en cause les âges de la vie. D'accord. Les parents, il ne faut plus parler de père ni de mère, etc. Nous avons déjà évoqué cette question. Oui. Et les enfants deviennent les parents de leurs parents. Bon. Et d'autre part, ce qui va avec ça, bien sûr, l'abolition du temps, c'est-à-dire l'abolition de la mort. C'est le programme, nous avons cette séquence tout à fait exceptionnelle, oui, de marketing. Alors, vous choisissez de vous faire ressusciter, soit en vous donnant, en donnant seulement votre tête, ça coûtera moins cher que le corps tout entier. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est très important ce qui circule dans le monde. C'est la séquence sur la congélation éternelle. Les grandes doctrines qui ont été l'illusion des premiers vieux, ce qu'on appelait les vieux bolcheviques, qui voulaient vaincre eux aussi la mort. C'est vieux comme le monde, et je dirais c'est typique de la culture venue du christianisme. Abolir la mort. Hmm. Bon. Ils voulaient ressusciter Lénine, ils l'ont embaumé en ayant à l'horizon, j'oublie le nom de ce médecin très connu dans le folklore soviétique, embaumé les héros pour les ressusciter. Eh bien, le libéralisme uni à l'esprit libertaire vous fabrique cet horizon. Horizon d'abolition. Horizon d'abolition de la mort, évidemment, moyennant finance, puisque nous sommes dans le système où tout s'achète et tout se vend. Voilà un exemple typique. Bon. Alors, évidemment, ça demande tout de même réflexion. Et alors, vous me parlez de l'OMC. Dans le film, ceux qui vendent cette congélation éternelle n'ont pas l'air très vivants. Hein. Ben, je ne sais pas. Peut-être êtes-vous sévère avec eux. Ils font leur métier, oui, avec la même naïveté. Oui, et la même foi en leurs propres paroles que ceux qui nous vendent l'abolition de la différence entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les parents, etc. Je ne vois pas personnellement la différence. D'accord, d'accord, bon, de ce point de vue. Et alors, pour ce qui est de l'OMC, les ONG, c'est très bien, il y a des ONG qui font un remarquable travail, mais il y a de tout dans les ONG. Puis ce déferlement d'ONG sur la planète que personne ne maîtrise, les polices diverses et variées doivent bien avoir des idées sur à quoi servent un certain nombre d'ONG, mais aussi ça c'est révélateur d'un mouvement de reféodalisation planétaire. Nous avons ça, mais nous avons aussi alors les empires transcontinentaux que sont les entreprises géantes qui rivalisent sur le marché. Bon, mais il faut quand même comprendre ce qui se passe. Et je comprends mal qu'on s'en prenne avec hargne, esprit de système, à cette tentative de l'OMC, qui, je vous le signe en passant, n'est pas un produit de l'ONU, c'est un traité international. Bon, Pascal Lamy a bien voulu nous introduire, se laisser filmer, expliquer. Et Gérald Caillat a choisi les meilleurs plans pour faire comprendre en peu de temps ce faire comprendre une négociation. C'est-à-dire, oui, on n'assiste pas aux négociations, mais on explique tout de même le béaba de ce dont il s'agit dans l'OMC. C'est tout de même... Il y a l'esquisse d'un tribunal où les plus puissants doivent rendre compte. Mais tout ça, c'est dans les rapports de force mondiaux où les Occidentaux peuvent penser qu'ils sont les meilleurs et les plus forts parce qu'ils sont tout de même, il faut avoir la vérité, sous le bouclier jupitérien de la superpuissance américaine. S'il n'y avait pas ce bouclier militaire, je ne sais pas ce que serait la pensée occidentale toujours triomphante. Bon. Il y a donc dans ce film aussi, vous aurez remarqué, une séquence sur l'armée. Techniquement, scientifiquement, c'est la victoire programmée. Bon, ça fait partie des grandes illusions. Ce qui m'inquiète personnellement, c'est l'absence de pensée sur tout ça, et particulièrement sur le management, parce que si ceux qui sont en charge et ceux qu'on éduque pour penser le monde qui vient sont eux-mêmes pris sans recul, sans critique, rabâchant les thèmes démocratie, etc., mais sans comprendre le fond des choses, quand ils auront des décisions à prendre, ils deviendront vraiment dangereux pour leurs semblables. Je suis très réservé sur l'évolution de la science politique et de la réflexion sur les problèmes stratégiques. Bon. Donc, nous avons là... Oui, il faut aussi... Mais ajouter... cela revient à dire, votre réflexion, elle porte autant sur la fonction gestionnaire que sur la manière dont vous anticipez l'avenir du lien religieux. En fait, les deux choses sont liées. Oui, toutes les choses sont liées. D'abord, je regrette que le mot religieux soit toujours en usage et qu'on ne cherche pas autre chose. Bon, j'ai fait des propositions là-dessus, mais elles sont plutôt comprises, je pense, ailleurs qu'en Europe. Bon, mais je constate une chose, c'est que les sciences sociales sont toujours en retard. Elles nous parlent du monde d'hier. J'ai toujours à l'esprit mon expérience africaine où j'étais sous le coup des consignes pas toujours explicites, mais bien comprises par les experts, qui est, alors que ce soit pour les sociologues d'Occident ou pour les sociologues soviétiques, la doctrine commune était, ça résume à ceci, partout où passe le progrès moderne, les religions se folklorisent ou disparaissent. Donc, ça faisait des gens qui étudiaient, qui étaient censés étudier le développement des sociétés locales, par exemple, dans les pays musulmans, comme si le Coran n'existait pas. Bon, eh bien moi, j'ai compris que nous étudions l'Occident sur le même mode, comme si le monument romano-canonique, qui est l'autre Bible de l'Occident, c'est-à-dire toute cette construction médiévale à la fois de droit romain et du système pontifical qui a esquissé les grandes institutions modernes et notamment dont est sorti le concept d'État, comme si ce monument n'existait pas. Eh bien, nous sommes dans cette illusion. Alors moi, j'attends à voir quels seront les pronostics devant le monde qui vient, parce que ce qui sera, il faudra tout de même qu'un jour, les Occidentaux rencontrent la limite. Le système soviétique a rencontré sa limite. Eh bien, l'Occident, qui est aux prises avec l'absence de doute et les fantasmes débridés, une sorte de démence sociale qui nie l'autorité du temps, eh bien, il faudra que ça trouve sa limite. Pierre Legendre, la semaine s'achève. Nous avons atteint la limite de nos entretiens. Je renvoie évidemment les auditeurs à vos travaux, à vos films, et en espérant que vous serez entendus. C'était À Voix Nue. Philippe Petit s'entretenait avec Pierre Legendre. Réalisation Dominique Costa. Prise de son Laurent Macchetti et Jean-Marie Porcher. Vous pouvez réécouter les émissions pendant une semaine sur le site franceculture.com. Thank you.

Mmh.